compagnero, compagnera, qui voyage pour la première fois, avec des images plein la tête, à destination de Cuba, avant de partir pour un mois, juste un conseil, voire deux ou trois, concernant cette drôle de danse, qu'on appelle aussi tourista. C'est la Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous prend quand on s'y attend pas. La Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous tortille des hauts en bas. C'est la Fidel Castro, la Fidel Castro, laissez-nous vous montrer le pas. La Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous fait danser la salsa. Hop. Par Santiago, dans la fumée des vieilles autos, carrossé à l'américaine et bien roulé à la cubaine. Quand le t-shirt vous colle au dos, que c'est l'heure du cigarillo, servez-vous une guayabita au rythme du Buena Vista. C'est la Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous prend quand on s'y attend pas. La Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous tortille des hauts en bas. C'est la Fidel Castro, la Fidel Castro, laissez-nous vous montrer le pas. La Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous fait danser la salsa. Arriba, bobo. C'est le boléro, viennent les paix, viennent les héros. Vos intestins font tcha-tcha-tcha, une grosse envie Che Guevara. Alors plus de doute, c'est certain, cette fois-là c'est sûr, elle vous tient. Et vous vous prenez à demander la Havane au fond du jardin. C'est la Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous prend quand on s'y attend pas. La Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous tortille de haut en bas. C'est la Fidel Castro, la Fidel Castro, laissez-nous vous montrer le pas. La Fidel Castro, la Fidel Castro, qui vous fait danser la salsa. Ay, mamita. Cette sensation et cette cascade d'émotions, plus fort que la baie des côtes.